بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا في كتاب القواعد المثلى سائلين الله عز وجل الثبات والتوفيق والإخلاص في القول والعمل. On va continuer, inshallah, sans plus attendre, sur l'étude des règles exemplaires concernant les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans la dernière assise, on s'est arrêté sur la question concernant les descriptifs qu'on peut attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, d'une manière absolue. Deuxièmement, d'une manière conditionnée et liée. Et on avait cité les descriptifs qu'on ne peut en aucun cas attribuer au Créateur, et cela d'une manière absolue. Et cela d'une manière absolue, ce qui donne trois catégories. Trois catégories de descriptifs. La première, c'est ce qu'avait cité l'auteur dans son commentaire, les descriptifs qu'on ne peut, dont il n'est pas permis d'attribuer au Créateur d'une manière absolue. Deuxièmement, on avait dit les descriptifs dont il est permis d'attribuer au Créateur d'une manière absolue. Et troisièmement, lorsqu'il y a nuance, lorsque les savants détaillent. Et donc, on s'était arrêté sur justement les attributs, les descriptifs qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala de manière liée et conditionnée. Comme on avait dit, al-makr, par exemple, ou al-khida' ou al-istihza, ces attributs-là, qui sont al-makr, ou al-khida' ou al-istihza, ou al-kaïd, à titre d'exemple, cela, on les attribue à Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière liée et conditionnée. Comme on a dit précédemment les exemples, le complot, la ruse, l'istihza, l'kaïd et d'autres. En l'occurrence, comme dans le verset à titre d'exemple, dans le commentaire, il donne un exemple, yukhadi'un Allah, lorsqu'il est dit, wa huwa khadi'uhum. Et ils complotent, ou rusent, ou plutôt, yukhadi'un, ils veulent tricher, tromper Allah, mais Allah les trompe. Une traduction littérale est relative du verset. Yukhadi'un Allah, par exemple, pour bien comprendre cela, ils veulent tromper Allah azzawajal, et Allah les trompe, on voit que c'est lié, et c'est conditionné. On peut dire qu'Allah azzawajal les trompe si eux veulent le tromper. Sinon, on le dit pas d'une manière absolue. On décrit pas Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière, de manière absolue. Par exemple, yukhadi'un Allah. Le sens de, ils veulent tromper Allah. On a une histoire qui nous donne l'exemple de cela. Dans la sirah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi concernant al-makr, concernant yukhadi'un Allah, ça fait référence à une catégorie de gens qu'on appelle al-munafiqun, les hypocrites. حَيْثُ يُظْهِرُونَ أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ بَلْ إِنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ وَهُمْ كَذِبُونَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ خِدَاعًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّهُمْ إِذَا قَالُوا إِنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ كف المسلمون عن قتالهم ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر كلام المصنف. Ça s'adresse aux munafiqun, aux hypocrites. Ils veulent tromper Allah, mais Allah les trompe. Du fait que eux, à l'époque du prophète, ils faisaient apparaître l'islam. Mais au fond de eux, ils cachaient leur incroyance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais d'apparence, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils étaient en compagnie du prophète et des compagnons, ils faisaient apparaître l'islam pour tromper Allah, son messager et les croyants. Et donc de ce sens-là, on dit ils veulent tromper Allah et Allah les trompe. Vous avez vu que c'est lié et conditionné. Comme par exemple pour la ruse. La ruse, dans différents versets, Wayam Kurun. Allah fait référence à ceux qui rusent. Par exemple, Wayam Kurun, dans d'autres versets, Wamakaru, Wamakar Allah. Et ils rusent et Allah ruse. Donc on lit et on conditionne. On décrit par Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale et absolue qu'ils rusent, mais on dit ils rusent quand eux rusent. À titre d'exemple de ruse. De ruse, comme c'est rapporté dans la Sira, wa yamkurullah wallahu khayrul makirin wa min dhalika ma hasala min kuffari quraish min al makr bin nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma ajazu an ikhmadi da'watihi حيث اجتمع الدهاة منهم والأذكياء في دار تسمى دار الندوة وقالوا ماذا نفعل بهذا الرجل حيث سفه أحلامنا وأضل نساءنا وأبناءنا فصار رأيهم يدور على ثلاثة أشياء ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. À l'époque, pour bien comprendre, par exemple, un exemple, comme c'est recensé dans l'histoire et la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la biographie du prophète, un fait, un événement célèbre. Au début de la prédication et de l'appel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, au début de l'appel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'appel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sa prédication commença à se répandre à la Mecque, les polythéistes arabes, qui étaient antagonistes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et refuser l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors les polythéistes arabes, ils les rapportaient à la Mecque et se sont réunis. Ils se sont réunis et l'événement est célèbre et relaté dans la Sira, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc des notables de la Mecque, parmi eux Ad-Duhatu Minhum Wal-Adhkiya, parmi eux les notables, les intelligents, parmi eux ceux qui étaient considérés comme tels, se sont réunis dans une demeure qu'on appelle Dar Nadwa. Dar Nadwa, la maison de An-Nadwa, ce lieu, c'est un endroit où ils se réunissaient pour avoir des réunions et se concerter. Et alors, ils se sont réunis fi Dar An-Nadwa, en ce lieu, et ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire de cet homme ? En sous-entendant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il est en train de remettre en cause nos rêves. Il est en train d'égarer nos enfants, nos femmes. Et donc, ils étaient dans un souci. L'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, était un problème. Alors, ils se sont concertés pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire contre cet homme, contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, parmi les opinions, il y avait trois choses. Trois propositions. Li yuthbituk, li yaqtuluk, ou yukhrijuk. Il y avait trois choses. Soit, ils le gardaient à la Mecque, auprès d'eux, et donc c'était dans le sens qu'ils l'emprisonnent. Soit, ils attendent à sa vie, ils mettent fin à sa vie, soit ils l'exilent. Ils l'expulsent de la Mecque, et donc de ce fait, ils l'exilent. Et donc, il y a eu un débat entre les polythéistes à l'époque, les polythéistes arabes, et certains ensuite ont dit, فَقَالَ بَعْدُهُمْ اِحْبِسُهُ. Certains d'entre eux ont dit, emprisonnez-le. وَهَدَ يَعْنِي لِيُثْبِتُكْ حَتَّى لَا يَتَّصِلَ بِهِ أَحَدْ. Et c'est ça le sens de yuthbituk. Gardez-le, yarni à la Mecque, sauf emprisonnez-le. Emprisonnez-le, c'est-à-dire le fait de l'emprisonner pour qu'il n'ait point de contact avec personne. Et comme ça, il peut appeler et enseigner à personne. Et donc, ça, c'était l'un des avis donnés. وَلَا يَتَّصِلْ بِأَحَدْ فَقَالُوا هَذَا لَيَصْلَحْ Ils ont dit, par contre, ça, c'est pas possible. Ça, فَقَالَ بَعْضُهُمْ Alors, certains, lorsqu'ils ont dit que ça, c'est pas possible, c'est pas conforme, alors, certains ont dit, أَخْرِجُوا Alors, expulsez-le. Sortez-le de la Mecque. Exilez-le de la Mecque. فَقَالُوا لَا يَصْلَحْ Et ça aussi, ils ont dit, c'est pas bon. C'est pas possible. Alors, il y avait un autre avis. لِأَنَّنَا إِذَا أَخْرَجْنَاهُ اِجْتَمَعَ عِنْدَوْ أَصْحَابُ Pourquoi ils ont dit que cette option aussi, entre guillemets, elle n'était pas possible. Elle était لَا تَصْلَحْ Pourquoi ? Parce que le prophète, sallam à la Mecque, il était membre d'un clan et d'une grande famille. Donc, au sein de la tribu de Quraysh, il y avait des clans. Et le clan du prophète, sallam, c'était un clan qui était renommé, qui avait makana, un rang privilégié et un haut rang au sein de la tribu de Quraysh. Donc, de l'expulser à ce moment-là, c'était difficile. Ainsi aussi de l'emprisonner. Donc ensuite, c'est là qu'il y a eu une autre proposition. Ils ont dit, Ivan, donc, si on ne peut pas l'emprisonner, on ne peut pas l'expulser, alors, Oktoulou, mettez fin à sa vie. Qalou, Wakefen Oktoulou. Alors les gens ensuite de l'assemblée ont dit, mais comment est-ce qu'on peut mettre un terme à sa vie ? Kaifa hadha, in qatalna, ou in qatalt. In qatalathu. قَبِيلَةٌ قَامَتْ عَلَيْهِمْ قَبِيلَةٌ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ils ont dit, ça aussi c'est, pour eux c'était compliqué, pourquoi ? Parce que s'ils attentaient, mettaient fin à la vie du prophète, صلى الله عليه وسلم, si l'un des clans de Quraysh mettait fin à la vie du prophète, alors le clan du prophète, صلى الله عليه وسلم, allait se lever. Et donc ça c'était, à l'époque, chez les Arabes, du fait qu'il y avait ils étaient divisés en tribus et en clans. Ça, c'était problématique. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des règles de vie. Et donc, un membre d'une tribu, s'il attentait à la vie d'un autre membre d'une autre tribu, c'était toute la tribu qui se levait. Et donc ensuite, c'était conflictuel. Et donc, cette option-là était aussi de mettre terme à la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était pour eux compliqué. Alors, قالوا إن قتلته قبيلة قامت عليهم قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اجمعوا عشرة من الشبان الأقوياء من عشرة قبائل متفرقة وأعطوا كل واحد سيفا صارما بالطاران فيضرب محمدا ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل فلا يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا ويقال إن الذي جاء بهذا الرأي هو إبليس وقال هذا الرأي وصوتوا عليه بالإجماع Et donc ensuite un homme, ils disent qu'un homme de l'assemblée leur a dit, alors réunissez différents jeunes forts de différentes tribus. Et là dans le récit, Cheikh Ibn Uthaymeen dans son commentaire, et cite 10 jeunes min asharati qaba'il, donc des jeunes de 10 tribus différentes. Wa a'tu kull wahidin, donc un jeune de chaque tribu différente. Et il dit wa a'tu kull wahidin sayfan sariman battara, et que chaque, justement, jeune de chaque tribu donnez-lui une épée. Et que chacun en même temps frappe Mohammed. Frappe en même temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De sorte que lorsque le clan et la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était surnommé Banu Hashim, le clan du prophète était surnommé Banu Hashim, les enfants de Hashim. Pour cela, Hashim fait partie des aïeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De sorte que lorsque la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se lever, elle allait être confrontée à 10 tribus et différentes tribus. Et donc, de ce fait, elle serait obligée de laisser l'affaire. Et elle ne pourrait pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'elle serait confrontée à 10 tribus. Et donc, certains disent que... Et donc, ils ne pourraient pas demander le prix du sang. Ça serait difficile. Et certains disent que l'homme qui a eu cette idée, c'était Iblis lui-même. C'était Shaitan lui-même. Vous avez vu ça? C'est un exemple de ruse. Mekaro, ils étaient en train de ruser. Ou Mekaro, ils rusent, et vous comprenez le sens de « mais Allah ruse ». Lorsqu'ils rusent, Allah ruse. Vous comprenez? Lorsque c'est lié et conditionné. Alors, « yuqalu inna hadha alladhi ja'a » et donc il est dit que celui qui venait avec cet homme-là était Iblis. « Wasawwatu alayhi bil ijma » et donc ensuite ils ont fait une sorte de vote et il y a eu un consensus, l'unanimité sur cette idée. Donc ensuite, ils se sont réunis pour mettre en œuvre cette idée-là. « Fajtama'a asharatu yantaziruna khuruj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam » et donc 10 jeunes, 10 personnes de 10 clans, 10 tribus différentes ensuite, se sont réunis et ils attendaient la nuit la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ensuite frapper le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walakin an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète, que ce soit imma bi wahi ou bi ghayri wahi, shahara bihim. Mais le prophète, que ce soit lié à la révélation, Cheikh, je vous traduis ce que dit Cheikh Al-Thaymin, littéralement. Il dit que ce soit lié à la révélation ou autre, le prophète a ressenti cela. A ressenti cela. Wa amara Ali ibn Abi Talib an yabqa fi manami. Et donc il a ordonné à son jeune cousin de rester à son endroit où lui dormait, de prendre sa place. De prendre sa place. Wa huwa sallam qad kharaja fil layl wa hum yantaziruna. Et là, le prophète est sorti en pleine nuit, alors que eux l'attendaient. Kullama ra'u al-firasha wajadu 'alayhi na'iman wa qalu ila al-an lam yaqum fantadharu hatta tala'at 'alayhim ash-shams. Et donc, à chaque fois, Cheikh Ibn Uthaymin, lui, comment il raconte, lui il dit qu'en fait, eux ils observaient le firash, le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sorte que tant qu'ils voyaient quelqu'un dans le lit, pour eux, ils se disaient, le prophète ne s'est pas levé encore. Il est toujours dans son lit, il ne s'est pas levé. Donc, ils attendaient comme ça. Ils attendaient de cette manière. Il al-an lam yaqum. Ils disaient, jusque-là, il ne s'est pas levé encore. Fantadharu. Et ils attendaient jusqu'à hatta tala'at alayhim ash-shams. Jusqu'à ce que le soleil se leva. Fahakad al-makr. صار أعظم من مكرهم بل إن بعض المؤرخين يبالغ في هذه المسألة ويقول إنه خرج من بينهم يذر على رؤوسهم التراب ويقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وعلى كل حال مكر الله تعالى لأوليائه Ensuite, c'est là que l'auteur nous dit, donc ça c'était leur ruse pour mettre terme à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'eux ils attendaient que le prophète se lève de son lit alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà parti. Et donc on voit que ils ont rusé, mais la ruse d'Allah azza wa jal était plus forte. Était plus forte. Et là, on comprend maintenant le terme en arabe, wamakaru. Et ils ont rusé, on traduit de manière littérale et relative, wamakaru, wamakarallah, wallahu khayru al-makirin. Ensuite, Cheikh, il dit, certains historiens, biographes, rajoutent à cette question-là, ils disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, serait sorti, et aurait jeté de la terre sur leur visage en récitant le verset de Sourate Yassin, le 9e verset. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et dit certains historiens rapportent cela et ont rapporté d'autres choses. Al-Buhim, l'important, c'est qu'il dit que Là, on a un exemple de makr. Kayfa makaru wa makara Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous avez vu, maintenant on comprend mieux avec des exemples le sens. Le sens de ces descriptifs. Al-makr, la ruse, le complot, al-khida', wal-istihza, et autres. Et autres. Maintenant, on comprend mieux. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans cette première règle, on avait dit hier qu'il a terminé avec le hadith. Avec le hadith, vous savez, c'est le long hadith. Man ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Le hadith 38. Vous retrouvez dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Regardez, si je ne me trompe pas, le 38e hadith. Si je ne me trompe pas, c'est le hadith où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah a dit « Man ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb » jusqu'à la fin du récit. Mais cette partie-là, elle n'est pas mentionnée. Ça, c'est la fin du hadith. Et souvent dans Al-Arba'in Nawawiyya, l'auteur n'a pas mentionné la fin du récit. Mais le récit termine de cette manière. Donc dans les hadiths, on disait, le hadith qui est mentionné dans l'Arba'in Nawawiyya, ce hadith célèbre, où à la fin, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit « وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُ تَرَدُّدِ عَنْ قَبْدِ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتِ وَأَكْرَهُ إِسَاءَتَهُ وَلَبُدَّ لَهُ مِنْ وَلَبُدَّ لَهُ مِنْ Subhanahu, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Hier, je vous avais lu la traduction de ce récit. Il y a un grand rappel dans ce récit. Dans une traduction relative de la parole d'Allah Azzawajal, puisque c'est un hadith divin. وَمَا تَرَدَّتُ عَنْ شَيْءٍ فَاعِلُهُ. Il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala, de traduction littérale, n'a pas hésité sur une chose, si ce n'est lors de la prise de l'âme du serviteur croyant. Alors que lui déteste la mort, et Allah déteste lui faire du mal. Et Allah déteste lui faire du mal. Wala budda lahu minhum. Alors que la mort est inéluctable. Alors que la mort, c'est quelque chose qui est inéluctable. Ici, l'auteur a terminé l'explication de ce chapitre ou de cette règle en disant que l'attribut qui est mentionné ici, at-taraddud, qu'on traduit par l'hésitation, ce n'est pas le sens de l'attribut de l'être humain. Et ce que ça sous-entend, comme on l'avait expliqué, pour l'être humain, être taraddud, ce que sous-entend l'hésitation. Mais Allah n'est pas comparable aux êtres humains et aux créatures. C'est un autre sens, comme on l'avait bien mentionné dans la dernière assise. Donc on va commencer, Inch'Allah, la deuxième règle concernant les attributs. Donc on a dit, on avait terminé l'étude de sept premières règles concernant Al-Asma, concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur commence à énumérer des règles concernant les attributs. Et donc là, on a appris la première règle. La première règle concernant les attributs. Pourquoi ? Parce que l'œuvre, le livre de l'auteur, c'est sur les noms et les attributs. Sur les noms et les attributs. Al-Qawa'id al-Muthla, les règles exemplaires concernant les attributs et les noms. Pour cela, il nous enseigne des règles, aussi bien sur l'asma, al-husna, was-sifat, al-ula, aussi bien sur les noms et les attributs. Donc la première règle qu'on a appris, toujours bien s'en souvenir, concernant les attributs, c'est de savoir que tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des attributs de perfection. Tout simplement. C'est le résumé de la première règle. C'est la première règle que l'auteur nous enseigne. Tous les attributs, les qualificatifs, attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les attributs d'Allah sont des attributs de perfection. C'était là le sujet de la première règle. Al-qaidatu thaniya, la deuxième règle concernant as-sifat. Qala al-musannif, al-qaidatu thaniyatu babu as-sifati awsa min bab al-asma. Il nous enseigne que le domaine des attributs est plus vaste que le domaine des noms. Ça va être le sujet de la deuxième règle. Le sujet de la deuxième règle. Qala. Dans l'explication, Cheikh, l'auteur nous dit, et cette règle-là est très importante. Cette règle-là est très importante. Pour avoir une bonne conception de la question, cette règle-là est très importante. وَهِيَا أَنَّ بَابَ الْإِخْبَارِ أَوْسَعْ مِنْ بَابِ الْأَسْمَى أَنْ بَابَ التَّسْمِيَا وَذَلِكَ لِأُمُورِ. Il dit de ce fait que le domaine des descriptifs et des attributs est plus vaste que le domaine des noms, comme on l'apprend dans cette règle-là. Qala. Pourquoi ? Awalan, premièrement, il dit وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ اسْمٍ مُتَضَمِّنْ لِصِفَةٍ كَمَا سَبَقَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الْأَسْمَى. Pourquoi, premièrement, il dit, parce que, comme on l'a pris dans la troisième règle, mais la troisième règle concernant les noms, l'asma, on avait appris que كُلُّ اسْمٍ مُتَضَمِّنْ لِصِفَةٍ, que tout nom induit, sous-entend, un attribut, comme on l'avait appris dans la troisième règle concernant les noms. Thaniyan, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, لِأَنَّ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَتَعَلَّقْ بِأَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَفْعَالُهُ لَا مُنْتَهَى لَهَا كَمَنَ أَقْوَالَهُ لَا مُنْتَهَى لَهَا فَهِيَ أَوْسَعْ مِنَ الْأَسْمَى. Il dit, deuxième raison, vous avez vu la première raison, pourquoi les savants disent que le domaine des attributs est plus vaste que le domaine des noms. Première raison, pourquoi? Parce qu'on l'a dit précédemment, comme dans la troisième règle concernant les noms, de chaque nom découle un attribut. Chaque nom sublime d'Allah Azza wa Jal sous-entend et induit un attribut. Deuxièmement, il dit pourquoi? Parce que les attributs aussi sont liés aux actes du Créateur. Ça, c'est très important. Les attributs sont liés à ce qu'on appelle al-af'al. Pardon. Sont liés aux actes. Et donc, af'aluhu, les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, la muntaha laha, n'ont pas de fin. Du fait que les attributs sont liés aux actes d'Allah azza wa jal, les actes d'Allah n'ont pas de la muntaha laha. Ils n'ont pas de fin. Il n'y a pas de limite. كَمَا أَنَّ أَقْوَالَهُ لَا مُنْتَهَى لَهَا. Comme les paroles d'Allah, par exemple, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de limite à cela. لَا مُنْتَهَى لَهَا فَهِيَ أَوْسَعْ مِنَ الْأَسْمَى. Et de cette considération-là, vous comprenez bien, donc, le domaine des attributs est plus vaste. Est plus vaste. Dans le Metn, l'auteur dit, si le chapitre, il dit, sur les attributs est bien plus vaste que celui des noms, c'est parce que chaque nom contient un attribut. Ça, c'est la première chose qu'on a citée. Tel qu'il a été mentionné dans la troisième règle afférente au nom. Mais c'est aussi parce qu'il y a des attributs qui se rapportent aux actes d'Allah, comme on vient de l'expliquer. Or, ces actes, aussi bien que ces paroles, ne connaissent point de limite. Comme Allah dit dans un verset, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Traduction littérale, Allah nous dit dans un verset, si tous les arbres de la terre étaient des qalams, des plumes, et si la terre aidée par sept autres terres leur fournissait de l'encre, les paroles d'Allah ne l'épuiseraient pas. Les paroles d'Allah ne l'épuiseraient pas. Allah est puissant et sage. Donc là, ils ont traduit de cette manière, c'est-à-dire « ma nafidat kalimatullah », on pourrait traduire de cette manière, et les paroles d'Allah ne s'épuiseraient point. Même Allah dit, si tous les arbres, imaginez-vous, tous les arbres de la terre étaient des qalam, des plumes, tous les arbres sur terre, imaginez-vous, s'ils étaient des plumes, et que la terre serait l'encre. Mais cette terre-là, Allah Azza wa Jal dit, elle serait aidée par sept autres terres. Sept autres terres qui leur fourniraient de l'encre. Alors, ma nafidat kalimatullah. Eh bien, là, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'épuiseraient point. Une traduction littérale, c'est pour ça qu'il est dit, si tous les arbres de la terre étaient des qalam, et si la mer aidait, oh pardon, la mer, moi j'ai dit la terre, je me suis trompé, si tous les arbres de la terre étaient des qalam, et si la mer aidait par sept autres mers, donc le verset dit, la mer aidée par sept autres mers était de l'encre, elle fournirait de l'encre, les paroles d'Allah ne l'épuiseraient pas. Allah est puissant et sage. Allah est puissant et sage. Ma nafidat kalimatullah. Exemple. Et donc, c'est pour cela qu'ensuite, Cheikh va donner des exemples. Il dit... وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلْ إِسْمٍ مُتَضَمِّنْ لِصِفَاتٍ متضمن لصفات كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ومن أمثلة ذلك. Et donc, Cheikh, il va nous donner des exemples. Il va nous donner des exemples d'attributs, de descriptifs. وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ أَنَّ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَجِيءُ وَالْإِتْيَانُ وَالْأَخْذُ وَالْإِمْسَاكُ وَالْبَطْشُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي لَا تُحْصَى كَمَا قَالَ تَعَالَى وَجَاءَ رَبُّكَ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقوله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم وقال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقال تعالى إن بطش ربك لشديد وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك وإن كنا نخبر بذلك عن وَنَصِفُهُ بِهِ. Ah, c'est très pertinent, regardez ce que dit l'auteur. Là, j'ai lu l'écrit de Cheikh, la deuxième règle. Donc ça, c'était la deuxième règle. Donc elle est courte. La deuxième règle, elle est courte. Alhamdoulilah, là, on a lu la deuxième règle. Il nous reste la traduction avec certains points sur cette deuxième règle. Regardez, il nous donne des exemples. Donc la deuxième règle, comme on a dit précédemment, elle est liée au fait que le domaine des attributs, on apprend, il est plus vaste que le domaine des noms. De ce fait, on a dit pour deux causes. Deux causes, du fait que de chaque nom découle un attribut, c'est-à-dire que chaque nom sous-entend, induit un attribut, premièrement. Et la deuxième cause, on a dit que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont liés aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit à titre d'exemple, parmi les attributs d'Allah, Azza wa Jal, à titre d'exemple, ce qu'on appelle Al-Maji, ce qu'on appelle Al-Maji'u. Al-Maji'u, souvent traduit, qu'on pourrait traduire de manière approchée, approximative et relative, par l'arrivée, la venue, ou l'arrivée, puisqu'ensuite il y a Al-Itiyan. Il y a un autre attribut qu'on appelle Al-Itiyan, aussi traduit par la venue, par la venue. On a l'attribut de Al-Akhdh. Al-Akhdhu, Al-Akhdhu, par la prise, le fait de prendre, la saisie, le fait de saisir. On a un attribut Al-Imsak. Al-Imsak, le fait de retenir, ou la retenue, la retenue. On a Al-Batsh. Al-Batshu, traduit par la riposte. La riposte, c'est relatif. C'est des traductions qui sont relatives hein, et approximatives. Ainsi que d'autres attributs qui sont mentionnés dans le Coran. Et l'auteur nous a mentionné les preuves. C'est-à-dire que là, Shir, les exemples qu'il donne, parce que ça, c'est assujetti à de grands débats. Beaucoup de doctrinaux ont réfuté et ont nié ces attributs aussi. L'attribut de Al-Maji, de l'Itian, ou Al-Akhdh, ou Al-Imsak, ou Al-Batsh, certaines doctrines innovatrices qui sont apparues dans les siècles précédents, dans le monde musulman, parmi les négateurs des attributs, par exemple, on niait ces attributs-là. L'attribut qu'on appelle Al-Maji, ou Al-Itian, ou Al-Akhdh, comme on vient de les citer précédemment. De ce fait, Cheikh, ces exemples d'attributs qu'il a donnés, il a donné les preuves pour chacune. Ou chacun, pardon, de ses attributs. Par exemple, l'attribut de Al-Maji, c'est tiré du verset « Waja'a Rabbuka ». C'est le fait d'arriver, de venir. « Waja'a ». Le sens est clair. « Waja'a Rabbuka ».« Ja'a Rabbuk ».« Ja'a Rabbuk ». De ce verset, par exemple, dans Surat Al-Fajr, le verset 22, les savants déduisent « Ja'a Rabbuka ». Et ton Seigneur est venu. « Ja'a ». Ils ont déduit que c'est l'attribut de Al-Maji. Al-Maji. Et par exemple, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ. Et là, on a un autre verset, le verset 21, ou pardon, 210 de la Sourate Al-Baqarah, où Allah dit هَلْ يَنْظُرُونَ Est-ce qu'ils attendent إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ Qu'Allah leur vienne. Qu'Allah leur vienne. On voit, il y a le verbe ayatiyahum qui sous-entend ici, c'est le verbe, hein, l'acte de venir, donc sifat al-itiyan, ce qu'on appelle l'attribut de al-itiyan. On a fa'akhadahum Allahu bidhunubihim. Et Allah les a saisis. On a sifat, al-akhdh aussi dans ce verset. Donc vous avez vu, pour chaque attribut là, qui vient de citer à titre d'exemple, chaque exemple, il a cité la preuve. Par exemple, Al-Imsak, c'est lié au verset « وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ » Al-Imsak qui est la retenue, le fait qu'Allah Azza wa Jal dit dans un verset qu'il a retenu les cieux, qu'ils tombent sur terre. « إِلَّا بِإِذْنِ » si ce n'est par sa permission, « سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى » On a le verset Al-Batsh, célèbre, dans le verset Inna Batsha Rabbika la Shadid. Al-Batsh, cet attribut-là, il est confirmé dans le verset Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. On a le verset, ou pardon, le hadith aussi, où Allah dit que Yanziru Rabbuna ila samai ad-dunya. Allah descend au chaque dernier tiers de la nuit au premier ciel, au ciel d'ici-bas. De cette vie d'ici-bas. Ça sous-entend ce verset-là, sifat nuzul, l'attribut de la descente. Regardez. Maintenant, pourquoi Shir nous cite ces exemples? Il dit, donc, il a cité ces exemples avec les preuves. Avec les preuves de chaque exemple. Ensuite, regardez ce qu'il va dire. Ensuite, il dit, on qualifie Allah, exalté soit-il, glorifié soit-il, par ses attributs de la manière dont ils ont été mentionnés dans les textes. On lui attribue, pourquoi ? Parce qu'Allah Azzawajal se les a attribués dans le Coran. Il s'est décrit comme cela. وَجَاءَ رَبُّكَ. Il s'est décrit de cette manière. Donc, nous, il dit, on qualifie Allah comme cela. Comme c'est venu dans les textes. Comme ils ont été mentionnés. Mais, nous ne l'on nommons pas par ceci. On ne le nomme pas par cela. C'est-à-dire, on ne l'appelle pas avec les noms de ses attributs. On ne l'appelle pas. Par contre, on peut les attribuer à Allah Azzawajal, puisque Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit par cela. Ainsi, on ne peut pas dire, on ne peut dire que parmi ces noms, il y a, par exemple, celui qui arrive. Par exemple, on ne peut pas appeler Allah, par exemple, Al-Ja'i. Wa-Ja'a, vous avez vu le verbe. Wa-Ja'a, donc le nom, ça sera Al-Ja'i. On ne peut pas appeler Allah Azzawajal par Al-Ja'i. Pourtant, est-ce qu'il a l'attribut de Al-Maji? Naam. Qu'est-ce qu'on comprend? On a l'attribut, par exemple, Al-Itiyan. Al-Itiyan. Et il dit, le nom, ça sera Al-Ati. On ne peut pas nommer Allah, appeler Allah par le nom Al-Ati. Allah, Al-Ati, ça ne fait pas partie de ses noms. Al-Ati. Par exemple, on a le fait de prendre, de saisir Al-Akhd. Ce nom, ça serait Al-Akhidh. Al-Akhidhu. Mais Al-Akhidh ne fait pas partie des noms sublimes de l'Asma al-Husna. On ne peut pas appeler Allah par cela. Comme par exemple, Sifat al-Imsak, le nom, ça serait Al-Mumsik. Al-Mumsik, mais il dit qu'Al-Mumsik ne fait pas partie des noms divins. On aurait Inna Batasha Rabbika al-Shadid. Donc le nom, ça serait Al-Batish. Al-Batish. Sauf que, on ne peut pas appeler Allah Azzawajal, Al-Batish ne fait pas partie des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on ne peut pas nommer et appeler Allah par ces noms-là. Par exemple, Al-Murid. Yuridullahu bikumu al-yusra, wa la yuridu bikumu al-usr. Allah dit, Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'Allah veut. C'est l'attribut de Al-Irada, Al-Murid. Mais le nom Al-Murid ne fait pas partie des noms sublimes d'Allah Azza wa Jal, comme on a dit. On a Al-Nazil. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il dit qu'il descend. Le prophète nous a informé qu'Allah descend au dernier tiers de la nuit, chaque dernier tiers de chaque nuit, au premier ciel de la dunya. Comment Allah wa alim, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'il y aurait le nom Al-Nazil de Sifatul Nuzul? On a l'attribut du Nuzul, mais on n'a pas le nom Al-Nazil. Fait pas partie des noms divins. Donc on voit que ça, c'est des attributs dont on n'a pas le nom. Et là, vous allez vous poser la question, pourquoi l'auteur a cité ces exemples? On comprend donc, ici, il sous-entend qu'il y a des attributs dont on n'a pas le nom. Ça veut dire que Bab Sifat est plus vaste. Parce que pour chaque nom, il y a un attribut. Mais pas à l'inverse. C'est pas que pour chaque attribut, il y a un nom. Donc, qu'est-ce qui est plus vaste? Le domaine des noms ou bien le domaine des attributs? Le domaine des attributs. Puisque forcément, chaque nom a un attribut. Est-ce qu'il y a des noms où il n'y a pas d'attribut? Est-ce qu'il y a des noms qui sous-entendent pas d'attributs? Non. Par contre, est-ce qu'il y a des attributs et forcément, on n'a pas le nom, il ne fait pas partie de l'Asma al-Husna? Naram. Ça oui. Donc, on voit que le domaine des attributs est plus vaste. Ces attributs-là, par exemple, font partie des attributs qui ont posé problème, étaient problématiques, par exemple, pour les négateurs. Pour les négateurs, pourquoi? C'est comme cela que beaucoup ont nié les doctrines émergentes plus tard, dans les siècles précédents, ont émergé dans le monde musulman, et ont nié, par exemple, les attributs. En disant, ces attributs-là, on ne peut pas les affirmer en Allah Azzawajal. Comment affirmer l'attribut de la descente? Ils ont nié le fait qu'Allah Azzawajal descende au premier ciel. Ce n'est pas, ils ont dit, c'est pas possible. Ils ont nié le Sifat al-Ityan, l'attribut de la venue. Ils ont nié cela. Wal-Akhd, la prise. Donc ça, c'est des attributs, par exemple, qui ont été niés. Le fait qu'Allah Azza wa Jal arrive, vienne, وَجَاءَ رَبُّكَ, ça aussi, ça a été nié. Donc ça, ça fait partie des attributs que les doctrines nommées أهل التعطيل, les négateurs des attributs, ont nié, catégoriquement. C'est-à-dire que ces attributs-là, pour eux, ils les nient. Ce ne sont pas des attributs pour eux. Lorsqu'on dit les partisans de la négation, c'est-à-dire que eux nient l'attribut. Ils disent qu'il n'y a pas sifat al-nuzul, sifat al-ityan, sifat al-maji, sifat al-akhd, sifat al-imsak, comme c'est sifat al-batch, par exemple. Ils nient cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, malgré que la prétention est de nier cela pour éviter de tomber dans l'anthropomorphisme, dans la comparaison du créateur avec ses créatures, mais en fait, pourquoi ils ont nié? Parce que pour eux, l'affirmer sous-entendrait et impliquerait comparer le créateur à ses créatures. Il y aurait de la comparaison. Or, ces attributs, comment ils sont mentionnés dans le Coran? On y croit, mais le comment, on ne sait pas. Avec toujours la règle, c'est comme il sied à sa majesté. Allah, cependant, comme il convient à la magnificence d'Allah, Azza wa Jal, il convient à Allah de venir, de descendre, subhanahu wa ta'ala. Mais ensuite, de rentrer dans certaines considérations et certaines doctrines philosophiques, de dire, si on dit qu'Allah, Azza wa Jal, descend au premier ciel, au dernier tiers de la nuit, la descente nécessite un mouvement. Et eux, ensuite, ils s'imaginent. C'est pour ça qu'eux se sont imaginés des choses inimaginables, à ne pas s'imaginer. Ils se sont imaginés ensuite la question, la descente du trône, descendre au premier ciel, etc. Et que cela est mumtana. C'est impossible pour Allah Azza wa Jal de descendre dans le premier ciel. Vu l'immensité, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, est-ce que nous, il nous est demandé de rentrer dans ce genre de considération et ce genre de philosophie? Le prophète Ansem dans le hadith, il dit Yanzilu Rabbuna ila sama id-dunya. Allah descend au dernier tiers de la nuit au premier ciel. Allah descend au premier ciel. Le hadith dit cela. Donc on ne peut pas dire qu'Allah ne descend pas au premier ciel. Parce que si la personne nie l'attribut, donc on lui dit est-ce que tu confirmes qu'Allah descend au premier ciel ou non? S'il te dit non. Mais le prophète le dit, dans le hadith authentique. D'où le paradoxe. Le prophète dit que Allah Azza wa Jal est descendu au premier ciel. La personne dit non. Alors, il nie catégoriquement. Plus tard, viendront d'autres doctrines, ça sera plus subtil. Eux diront Naam. Ils ne pourront pas dire. D'autres doctrines viendront, émergeront dans le monde musulman, et eux diront Naam. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya. Le hadith est clair. Le hadith est authentique. On ne peut pas nier. Ils diront. Par contre, Allah descend au premier ciel. Oui, nous affirmons cela. Nous affirmons l'attribut. Sauf que Allah descend au premier ciel, ce n'est pas dans ce sens-là. Et ils vont interpréter. Et c'est là que plus tard a émergé dans le monde musulman la doctrine qui interprète. Comme plus tard apparaîtra, émergera la doctrine de Al-Kullabiyya ou Al-Maturidiyya ou Al-Asha'ira. Eux sont les partisans de l'interprétation. Par exemple, وَجَاءَ رَبُّكَ et ton Seigneur est venu, ils disent non, c'est pas dans le sens que Allah est venu, c'est dans le sens que son ordre est venu. Par exemple, ça c'est une interprétation. Le fait qu'Allah descende, sa miséricorde, dans une interprétation, sa justice descend. Par exemple. Et donc, ensuite, c'est pour ça que plus tard, une doctrine émergea dans le monde musulman pour réfuter les négateurs, ceux qui nient. Parce qu'ils ont dit, les textes sont confirmés. Sauf, eux ensuite ont interprété. Or, comme on le verra, il y aura un chapitre dans le Qawaid où l'auteur va dédier un chapitre concernant les ambiguïtés et des questions liées à l'ambiguïté, et il va répondre d'une manière détaillée à cela à la fin du livre, comme vous le verrez. Donc, on a terminé, alhamdoulilah, l'étude de cette règle. Ces attributs qu'on a cités L'auteur, vous avez vu, il a cité les preuves. Parce que c'est tellement important, c'est des choses qui sont liées, ce sont des descriptifs, des attributs qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faut les preuves. On ne peut pas attribuer des choses au Créateur sans les preuves. Sauf que tous les textes que l'auteur a mentionnés, et d'où sont tirés ces attributs-là, eh bien ces attributs, comment est-ce qu'on les comprend? On les affirme comme c'est affirmé dans les textes, comme il convient à la majesté du Créateur. On ne cherche pas le comment, et on ne cherche pas à faire de similitude, de comparaison avec le Créateur subhanahu wa ta'ala. Mais on ne peut pas nier, on ne peut ni falsifier, avec les quatre règles, bila ta'til, wala tahrif, wala takyif, wala tamthil. Avec les quatre règles. On ne peut pas nier. Waja'a rabbuk. Allah dit dans le Coran, et ton Seigneur est venu. Waja'a rabbuk. On ne peut pas nier. Falsifier le sens, on n'a pas le droit de falsifier le sens. Que ce soit falsifier le sens ou bien l'énoncé, on n'a pas le droit. Deuxièmement, chercher ce qu'on appelle el-kayf. Takyif, c'est le fait de faire el-kayf. Kayf, c'est le comment. Chercher le comment, on n'a pas le droit de s'imaginer comment. Comment Allah vient? Comment est-ce que notre Créateur descend? On ne sait pas. El-kayfu majhoul. Le kayf est inconnu. Est inconnu. Ensuite, at-tamthil. At-tamthil, c'est le fait de faire la similitude. C'est-à-dire que de se dire que l'attribut du Créateur est similaire à l'attribut de la créature. Je dis bien similaire, pourquoi? Parce qu'on a deux termes. On a teshbih et on a at-tamthil. At-tashbih, c'est faire littéralement de faire de la comparaison. Teshbih, c'est faire de la ressemblance, plus précisément. At-tashbih, c'est la ressemblance. At-tamthil ou at-tashbih, les deux termes sous-entendent la comparaison. Comparer. Les deux termes. Sauf que plus littéralement, at-tashbih, c'est faire ressembler. Wat-tamthil, c'est plus dans la similitude. Pourquoi? Parce que on peut utiliser les deux termes. C'est pour ça que vous voyez, les savants utilisent les termes. Parfois, ils disent birayli tashbih. La tashbih. Mais souvent, ils emploient le terme tamthil. Pourquoi? Parce que tamthil, c'est plus précis. At-tashbih, c'est le fait de faire ressembler. Mais la ressemblance, elle n'est pas à travers tous les aspects. On peut ressembler à quelqu'un, mais pas sur tous les aspects. Sur certains aspects, on lui ressemble, mais c'est pas fait le kulliya. C'est pas, on lui ressemble pas totalement. On n'est pas similaire à lui. Donc, la ressemblance, c'est ressembler selon certains aspects. Il y a ressemblance. Sauf que temthil, c'est plus précis. Temthil, c'est vraiment la similitude. C'est ressembler dans tous les détails. Dans tous les aspects. C'est ça la différence entre at-tashbih ou at-tamthil. Et donc, laysa kamithlihi. On voit que dans le Coran, dans le verset, le terme qui est cité, c'est laysa kamithlihi. Kamithlihi shay. Il n'y a rien semblable au Créateur. Donc, on ne peut pas donner un semblable au Créateur. Donc, ici, on pourrait traduire aussi la quatrième condition sans lui donner de semblable, de similaire, de comparable. En d'autres termes, sans comparer le Créateur à ses créatures. C'est les quatre règles. Donc, comment est-ce qu'Allah Azzawajal descend? Wallahu a'lam. Et comme cela, on se quitte. Lorsque l'imam Malik, il fut interrogé, par exemple, sur l'istiwa, l'élévation d'Allah Azzawajal au-dessus de son trône, lorsque l'homme a interrogé l'imam Malik, vous avez vu dans le athar, il est rapporté qu'il rougit, qu'il a transpiré. Pourquoi? Parce que c'est une question qui ne se pose pas. Comment? C'est pour ça que l'imam Malik, sa réaction, il a rougi, il a transpiré. Parce que c'est une question que le croyant ne peut entendre. On ne pose pas la question du comment. À plus forte raison, à fortiori, on ne se l'imagine pas. Donc si on ne se l'imagine pas, ça ne rentre même pas dans notre esprit, à plus forte raison de ne pas poser la question. De ce fait, lorsque cet homme a posé la question, il sera plus tard qualifié, ensuite, Imam Malik va le qualifier d'innovateur. Pourquoi il va le qualifier d'innovateur ? L'homme, parce que ça, c'est les innovateurs à l'époque. C'est lors de l'émergence et l'arrivée de ces doctrines qui ont émergé dans le monde musulman, c'est là que ces questions ont commencé à se poser. Pourquoi? Parce qu'ils ont nié ou ils ont interprété, parce qu'ils se sont posé la question du comment. Les gens de la sunna ne connaissaient pas cela. Ils ne cherchent pas, ils ne sont jamais imaginé le comment de la tribu. C'est pour ça qu'on voit qu'à l'époque du prophète, sallam, les compagnons, ces textes-là liés aux attributs d'Allah, leur étaient lus, et ça n'a pas posé de problème aux compagnons. Ils les ont affirmés et confirmés, comme cela a été confirmé par les textes. Et de ce fait, la question, lorsqu'elle était posée à l'imam Malik a transpiré, a rougi, et a dit « Al-istiwa ma'loum ». Al-istiwa est connu. C'est-à-dire le sens du terme. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Al-istiwa, le sens n'est pas connu. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une autre fraction, une autre secte qui émergera plus tard. Émergera plus tard, qui seront nommés Al-Mufawwida. Al-Mufawwida, c'est une autre fraction qui va émerger. Et qui va dire non, on ne nie pas. Et on n'interprète pas. On affirme la tribu. Mais eux, ça sera plus subtil. Ça sera plus subtil. Eux, ils vont dire, nous affirmons, et Naram, Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Ils affirment l'attribut de l'Istiwa, l'attribut de Al-Maji, ou Al-Ityan. Tous les attributs, ils les affirment. Sauf que eux, à la différence avec les gens de la Sunna, c'est très subtil, parce qu'à l'écoute de leur credo, on pourrait dire, c'est le credo des gens de la Sunna. C'est le credo des gens de la Sunna. Eux vont dire, par contre, on affirme, sans nier, et ils vont réfuter les négateurs. Eux, ils ne vont pas interpréter. Sauf que la subtilité, c'est qu'eux vont dire, le sens, on le remet à Allah, azzawajal. Le sens n'est pas connu. Al-istiwa, naram. Allah istawa, ala arshi. Sauf que, le comment, on ne sait pas, naram. Mais al-marna, le sens, Allahu a'lam, on le remet à Allah. Al-Nuzul, Allah descend au premier ciel, dernier tiers de la nuit. Al-Nuzul, ils vont dire Naham, on affirme l'attribut. Sauf que l'attribut, le sens, on le remet à Allah, azzawajal. On ne le connaît pas. Sifat al-Ityan, Sifat al-Maji, Sifat al-Akhd, et toutes les attributs d'Allah, azzawajal, de ce sens-là, ils disent le sens, on ne le connaît pas. Or, c'est subtil, pourquoi ? Parce que dans le credo et le dogme des gens de la sunna, le sens est connu. C'est contraire au dogme des gens de la sunna. Les savants de la sunna disent que le sens de l'attribut est connu. C'est pour ça que l'imam Malik, lorsqu'il dit « al-istiwa ma'loum », l'istiwa est connu, c'est-à-dire « al-marna ». Le sens est connu. « Wal-kayfu majhoul ». Par contre, ce qui est inconnu, c'est pas son sens. Puisque le sens en langue arabe est célèbre, est connu. Ce qui est inconnu, c'est le kayf. C'est pour ça qu'en fait, la parole de l'imam Malik est immensément importante et très pertinente. C'est pour ça que souvent, les savants la relatent. Pourquoi ? Parce qu'elle est très pertinente. Du fait qu'il nous enseigne que le sens est connu. C'est ça ce qu'il veut dire quand « al-istiwa ou ma'loum » ou « al-kayf ou majhoul » والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Les quatre choses qu'il a citées. Regardez lorsqu'il dit al-istiwa ma'loum, l'attribut de l'istiwa est connu. والكيف مجهول, le comment est inconnu. والإيمان به واجب, et la croyance en celui-ci est une obligation. والسؤال عنه بدعة, et questionner au sujet de cela est une innovation. Vous avez vu les quatre choses? Donc on a Al-Istiwa, il est connu. Qu'est-ce qui nous est inconnu? C'est le comment. Al-Iman Ubihi, la croyance en celui-ci, est une obligation. Croire en cela, qu'Allah est Mustawi ala Arshihi, qu'il s'est établi et levé au-dessus de son trône, c'est une obligation. Wassu'al anhu, mais interroger au sujet de celui-ci, est une innovation, il dit. Chercher, interroger au sujet du comment, ça, c'est une innovation. Et ça, on peut l'adapter, l'appliquer sur tous les attributs. Sur tous les attributs. Donc, c'est ça la croyance saine, c'est ne pas se poser la question du comment. Et c'est pour ça que la doctrine qu'on appelle Ahlut Tafwid, Al-Mufawwida, c'est une fraction qu'on appelle Al-Mufawwida. Eux, c'est subtil, pourquoi ? Parce qu'ils prônent tout ça. Sauf que sur le premier, Al-istiwa ma'loum? Non. Ils vont dire oui, le comment est inconnu. La croyance en celui-ci est une obligation. Posez la question, non aussi. Sauf que eux, à la différence, ils affirment tous, sauf que pour eux, le sens de l'attribut est inconnu. Et ça, c'est ce qu'on appelle Ahlu al-Tafwid, les partisans du Tafwid. Donc là, on a terminé, alhamdulillah, l'étude de la deuxième règle concernant les attributs. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Et demain, pour ce qu'on peut-être oublié, demain il y a la janaza du père du frère Yaqub. Yaqub a perdu son père et demain on va faire la janaza de son père, Inch'Allah. Après le Dhuhr, Inch'Allah.